de quelqu'un qui peut vous aider. Même dans les affaires, quand dans un domaine tu n'as pas l'expérience, tu as besoin d'un coach, quelqu'un qui peut te montrer comment on fait, comment on signe par exemple un contrat. Il en est de même dans le ministère. Lorsque tu es appelé, tu es un jeune serviteur, ou bien tu sens l'appel, il faut que tu aies un coach, un père spirituel, une mère spirituelle qui peut t'aider à faire le premier pas. C'est important. Nous voyons ici l'exemple de ce jeune Samuel. Il était encore enfant. C'est vrai que sa mère avait fait un vœu pour dire qu'il allait le lui consacrer à l'Éternel. Il l'a fait. Mais il était encore un jeune, inexpérimenté. Il ne connaissait même pas comment on entend la voix de Dieu. Il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui veulent servir Dieu. Tu ne connais même pas comment Dieu parle. Tu ne sais même pas comment on peut interpréter un verset biblique. Tu ne sais même pas comment on peut se tenir dans la présence de Dieu. Comment tu peux passer du temps dans le jeûne? Tu as besoin de quelqu'un qui va t'aider pour t'orienter dans le ministère. Un coach. Et nous voyons ici que le sacrificateur Élie était pour ce jeune Samuel un coach qui devrait lui montrer comment on écoute la voix de Dieu, qui devrait lui donner la conduite à tenir quand il entend quelqu'un l'appeler. Il est dit ici au verset 1, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. C'est-à-dire, il était en train d'apprendre. C'était comme un jeune stagiaire devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Et la Bible nous dit, en ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles, ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Et le jeune Samuel entendait la voix, une voix qui lui disait, Samuel, Samuel, il croyait que c'était Élie qui l'appelait. Il vient, Élie dit, ce n'est pas moi. Et Élie a compris que non, c'était l'Éternel qui lui parlait. Et le verset 7 dit, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Vous voyez, il faut connaître l'Éternel avant de le servir. Il faut avoir une rencontre personnelle avec lui. Il faut la dimension révélation. C'est pourquoi même la formation est importante. Ne soyez pas pressés. Et le verset 8 dit, « L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit, « Mais voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi. Si on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. Vous voyez l'importance du coaching. Samuel est devenu un grand homme de Dieu, mais il a grandi aux côtés d'un homme de Dieu, Élie, qui lui a montré comment on écoute la voix de Dieu, qui l'a aidé de faire ses premiers pas dans le ministère. Deuxième vérité, ne cachons pas ou n'étouffons pas le message de Dieu. Oui, il peut arriver que nous recevions un message que Dieu nous donne, le message pour l'Église, le message pour la nation, le message pour quelqu'un d'autre. Parfois, ce message peut être favorable. Là, c'est facile. Souvent, les gens aiment entendre les messages. Dieu me révèle que tu vas te marier l'année prochaine. Dieu me révèle que tu seras élu député. Tu seras élu maire. Dieu me révèle telle chose. Dieu me révèle qu'il t'a ouvert les portes de voyage. Ça, c'est les messages que les gens aiment entendre. Mais souvent, il peut arriver aussi que Dieu donne un message dur, comme celui qu'il a donné à Samuel. Un message qui annonçait la sentence divine, la mort qui allait frapper la maison d'Élie. Ça, ce n'est pas un message facile à donner. Mais regardez ici, lorsque Dieu a dit à Samuel ce qu'il allait faire contre la maison d'Élie, c'était dur d'annoncer cela. Mais Élie lui a dit, il faut me dire, ne me cache rien. Et le texte dit que Samuel n'a rien caché. Au verset 17, et Élie dit, quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur. Et si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. Et le verset 18 dit, Samuel lui raconta tout sans lui rien cacher. Et Élie dit, c'est l'Éternel qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Troisième vérité, lorsque le Seigneur nous appelle au ministère, lui-même va confirmer notre ministère et il fera en sorte que les gens reconnaissent notre ministère. Vous voyez, c'est important. Lorsque Dieu t'appelle au ministère, c'est progressivement. Peut-être que tu as reçu ton appel par une vision, mais peut-être au début, les gens ne vont pas reconnaître. Mais au fur et à mesure que tu vas continuer à exercer ton ministère, Dieu lui-même va faire que ton ministère soit confirmé, que ce soit au niveau de l'Église, que ce soit au niveau de la population. C'est ce qui s'est passé avec le jeune Samuel. Le texte dit au verset 19, « Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël depuis Dan jusqu'à Beersheba reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. » Tout Israël reconnut, vous voyez, progressivement, les gens vont reconnaître ton ministère. Et ceci, c'est à partir de ta conduite, ton témoignage et de ce que tu fais. Tout Israël reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Et l'Éternel continue à apparaître dans Silo, car l'Éternel s'est révélé à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer, nous allons le célébrer à travers ce chant. Zambé malam, Zambé malam, Zambé malam, malam, malam, Zambé, Zambé malam, malam, Zambé malam, Zambé malam, malam, malam, Zambé malam, Zambé malam, Zambé malam. Malamu, malamu, zombie, zombie, malamu, malamu, zombie, malamu, zombie, malamu, malamu, malamu. Yesu bolingo, Yesu bolingo, Yesu bolingo, bolingo, bolingo, Yesu, Yesu bolingo. Yesu bolingo, Yesu bolingo, bolingo, bolingo. Yesu bolingo, Yesu bolingo, Yesu bolingo, bolingo, bolingo, Yesu. Yesu bolingo, bolingo, Yesu bolingo, Yesu bolingo, bolingo, bolingo. Ilunga nanga kumama eh, ilunga nanga kumama, ilunga nanga kumama, ilunga nanga kumama. Yepa makasi nanga kumama eh, makasi nanga kumama, makasi nanga kumama, makasi nanga kumama. Mayele nanga kumama eh, mayele nanga kumama, mayele nanga. Mama, mayele nanga kumama, yosali zombe, yosali zombe nanga, yosali zombe, yosali zombe nanga, yosali zamba hilonga, yosali zombe nanga, yosali zamba hilia, yosali zombe nanga, kumama yawe, yawe kumama kolo. Bisoto ye mbele yo yawe, yawe kumama kolo Yesu. Kumama yawe, kumama papa. Kumama yawe, kumama papa. Kumama yawe, yawe kumama kolo Yesu. Bisoto binele yo yawe, yawe kumama kolo Yesu. Kumama yawe, kumama papa, kumama yawe, kumama yawe, kumama yawe, yawe kumama kolo Yesu. Obisoto tomboli yo yawe, yawe kumama kolo Yesu. Kumama yawe, kumama papa, kumama yawe. Kumama papa, Yahweh kumama, Yahweh kumama papa, kumama Yahweh, kumama papa, kumama Yahweh, Yahweh kumama kolo Yesu. Abisoto binele yo Yahweh, Yahweh kumama kolo Yesu. Kumama Yahweh, kumama papa, Yahweh kumama, kumama Yahweh. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Dieu très haut. Gloire au Dieu tout-puissant. Il est le Dieu merveilleux. Élevons ensemble nos voix et bénissons son saint nom. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend Dieudonné Ngoumbi. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons que cette émission est rediffusée sur notre site web www.radiofréquentevie.com. Nous vous encourageons à partager par WhatsApp pour ceux qui sont dans d'autres pays, mais qui peuvent suivre OSB en étant connectés sur Internet. Notre passage du jour, c'est 1 Samuel 3, 1 à 21. Nous venons de voir l'importance du coaching dans le ministère. Nous allons prier pour ceux qui sont encore appelés, qui sont encore jeunes dans le ministère. Et pour ceux qui ressentent l'appel, tu as besoin d'un coach, tu as besoin d'un père spirituel pour t'aider dans le ministère, pour t'orienter. Tu as besoin de quelqu'un, même dans d'autres domaines, dans les affaires, tu as besoin d'un coach. Prions pour que chacun de nous ressente ses besoins. Et si tu n'as pas encore quelqu'un pour t'orienter, prie pour que Dieu te révèle. Qui peut t'orienter? Qui peut être ton coach? Prions le Seigneur au nom de Jésus. Père, mon âme te bénit. Mon âme te bénit et n'oublie aucun de tes bienfaits. Parce que c'est toi qui pardonnes toutes nos iniquités. C'est toi qui guéris toutes nos maladies. Ce matin, nous invoquons ton nom et nous te glorifions. Nous te magnifions pour tous tes hauts faits. Nous prions au Père éternel pour la manifestation de ta grâce dans la vie de tes fils et de tes filles. Nous prions au Père pour tous ceux qui commencent une activité, pour tous ceux qui s'engagent dans le ministère. Nous demandons, Père éternel, que tu mettes sur leur chemin des personnes qui pourront les instruire, qui pourront les guider, qui pourront les conduire, des personnes expérimentées pour les coacher. Nous prions au Père éternel afin qu'ils puissent être instruits dans la bonne voie, afin qu'ils puissent être orientés dans la bonne direction. Père, nous prions contre tout obstacle, contre tout blocage, contre tout ce qui empêche les enfants de Dieu de recevoir des instructions appropriées, des guides appropriés. Nous prions contre toute forme d'endurcissement, contre toute forme d'orgueil pour ceux qui ne veulent pas recevoir d'instructions et qui pensent que par l'Esprit Saint, ils peuvent s'instruire eux-mêmes. Nous prions afin que l'humilité se manifeste dans leur vie et qu'ils se tournent vers un mentor, vers un responsable pour les guider dans tout ce qu'ils entreprennent, que ce soit sur le plan ministériel, sur le plan professionnel, dans la vie active, sur le plan conjugal, qu'ils reçoivent des mentors appropriés afin que ton nom soit glorifié à tous égards. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Ne cachons pas le message que Dieu nous donne. Si Dieu te donne une révélation, ne cache pas cette révélation. Il faut donner cette révélation. Nous avons besoin dans nos nations des hommes et des femmes qui exercent le ministère prophétique, mais qui peuvent dire la vérité au point où ils peuvent dénoncer même le mal, le péché. Le ministère prophétique ne doit pas seulement être le ministère qui prophétise le bien. Prions donc pour que le Seigneur donne la liberté aux prophètes, même aux hommes de Dieu, aux pasteurs qui prêchent l'évangile, à prêcher le message que Dieu leur a donné, même si ce message semble être dur pour certains. Prions le Seigneur. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Éternel Dieu, comme une biche soupire auprès d'un courant d'eau, notre âme soupire auprès de toi. Notre âme a soif de paix, notre âme a soif de justice, notre âme a soif d'élévation. Et nous savons, Père, que ton amour qui se manifeste chaque jour dans la vie de tes enfants ne les épargne pas de cette grâce, de cette bénédiction. C'est pourquoi nous te rendons grâce et nous te disons merci. Nous prions pour tous ceux que tu as appelés, ceux que tu as équipés, ceux que tu as envoyés, qui sont tes servantes et tes serviteurs, afin que tu les guides toujours à annoncer la bonne nouvelle avec droiture. L'apôtre Paul déclare, « Priez pour moi, afin que lorsque j'ouvre la bouche, que je puisse annoncer la bonne nouvelle avec hardiesse. » Nous prions au Père éternel, afin que tes fils et tes filles, que tu as appelés et que tu as envoyés, annoncent la bonne nouvelle avec hardiesse, avec droiture, qui disent la vérité, qui prêchent la bonne nouvelle sans aucune crainte, sans aucune peur, sans aucune dilution, le message vrai, le message pur, la bonne nouvelle qui change, qui transforme les vies. C'est à cela que tu as appelé tes enfants. Nous prions contre tout obstacle à la prédication de la bonne nouvelle, à l'annonce de la prophétie qui vient de toi et qui amène à la repentance. Que toute forme de crainte, toute forme de peur, toute forme de manipulation soit ôtée dans le nom de Jésus-Christ et que ta grâce se manifeste dans la vie de tes fils et de tes filles. Et que l'évangile, qui est une puissance pour le salut de quiconque croit, soit prêché et transforme les vies à la gloire de ton Saint-Nom. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que quand Dieu nous appelle au ministère, lui-même va confirmer notre ministère. Il fera en sorte que ce ministère soit reconnu, que ce soit au niveau de l'Église, que ce soit au niveau de la population. Nous allons prier pour tous ceux qui sont appelés. Mais peut-être leur ministère n'est pas encore reconnu au niveau de l'Église. Prions pour que Dieu leur donne la patience et prions pour que Dieu lui-même fasse en sorte que leur ministère, leur appel soit reconnu, comme le ministère prophétique de Samuel a été reconnu dans tout Israël. Prions le Seigneur. Oh, Esprit. Opération sur la brèche. Éternel Dieu, ce matin, nos yeux sont tournés vers toi. Nos yeux sont tournés vers toi en signe de reconnaissance. Nous nous sommes couchés hier, nous nous sommes endormis et nous nous sommes réveillés. Ce n'est que par ta grâce. Et chaque matin, à notre réveil, nous ne cesserons de reconnaître cette grâce que tu accordes à tes enfants. Nous prions ce matin pour tous ceux qui ont été appelés au ministère. Nous demandons, Père éternel, qu'ils persévèrent dans cet appel, que tu les soutiennes afin qu'ils puissent exercer ce ministère avec persévérance, avec droiture et surtout que ce ministère soit reconnu au sein de leur communauté. Nous prions au Père éternel et nous demandons que tu fortifies ceux que tu as appelés, ceux que tu as équipés, afin qu'ils puissent s'exercer librement et surtout afin que ce ministère soit reconnu comme le ministère de Samuel avait été reconnu par toute la communauté. Nous prions au Père contre toute forme de sabotage, contre toute forme de mépris et nous demandons, Père, que ta grâce se manifeste dans la vie de tes enfants afin qu'ils puissent reconnaître le ministère de ceux que tu as appelés, reconnaître leur ministère et leur donner l'opportunité d'exercer ce ministère pour contribuer ainsi à l'avancement de ton œuvre. Nous prions contre tout obstacle à la reconnaissance de ministère, contre tout blocage et nous demandons, Père éternel, que ta grâce fraie un chemin et que leur don soit aiguisé, que leur don soit exercé afin que ton œuvre connaissent toujours une prospérité. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.